Chez VDI, ça veut dire quoi VDI? Vendeur à domicile indépendant. Tu vends quoi? Moi je vends tout ce qui est cosmétiques, produits de bien-être, on parle de minceur, on va faire tout ce qui est l'alimentation pour sportifs, etc. En règle générale, tu peux aller partout quoi, dans le domaine du bien-être, ça va vraiment partir, quand on parle de cosmétiques, ça va être soins pour les cheveux, soins corporels, les crèmes de soins pour le visage, pour les pieds, tu vas voir tout ça. Et dans la nutrition, ce qu'on appelle interne, ça va être, comme je te disais, donc, pour les personnes qui veulent mincir, prendre du poids, qui veulent se faire un petit peu de remise en forme, qui veulent avoir un petit suivi sportif pour se booster un petit peu. Lors de leurs compétitions, etc. Quoi. Ils sont sous quelle forme ces produits? On fait les cosmétiques, c'est des crèmes, etc. Des savons liquides, des gommages, des douches, voilà. Et ensuite, dans la nutrition interne, c'est essentiellement des compléments alimentaires. D'accord. Pour les régimes? Oui, ce que je te disais tout à l'heure, tout ce qui est régime alimentaire. Bien. ça se passe comment? Écoute, ça se passe plutôt bien, puisque j'ai commencé l'activité il y a un peu plus d'un an maintenant. Ça fait... j'ai commencé en... Alors attends, on est en 2008, décembre 2007, donc décembre 2006, j'ai commencé. Et en fait, à la base, je cherchais vraiment un petit complément de revenu comme ça, parce que j'ai travaillé de nuit. Et donc, quand tu travailles de nuit, au bout de quelques années, ça faisait un peu plus de 3 ans que je travaillais de nuit, et... Tu commences à en avoir un peu marre quand tu as envie de faire une petite vie de famille, etc. Donc je voulais chercher en fait à passer en 2-8, donc à avoir un rythme plutôt de journée, mais toujours en gardant mon boulot, et de me faire un complément de revenu à côté qui me permettait de pallier en fait à la baisse de salaire en passant en 2-8. Et puis finalement, je me suis vu que je me plaisais dans l'activité parce que j'ai rencontré des gens, etc., des gens comme vous par exemple. Et donc du coup, au bout d'un an, j'ai décidé de quitter mon job et puis voilà, maintenant je suis à plein temps là-dedans. Donc ça se passe plutôt bien. On va se rééloigner un petit peu de ta situation pour que tu nous parles de la vente directe, le système, comment ça fonctionne. Ouais. Donc nous, en fait, on fonctionne par le système du marketing de réseau. Donc en fait, c'est la vente à domicile. Le marketing de réseau, c'est... Non, vous ai claqué les doigts, Charlotte. Même. D'accord. Donc en fait, le marketing de réseau, c'est un marketing qui a été mis en place il y a pas mal d'années de ça maintenant. Et c'est un système qui fonctionne sur plusieurs entreprises maintenant, dont on a eu, dont tout à l'heure tu me parlais là, un petit peu le Tupperware et tout ça. Mais en fait, nous, on fonctionne un peu par le même biais, c'est-à-dire qu'on va faire de la vente et en même temps, on va recruter d'autres personnes qui vont faire de la vente. Et donc, on touche un petit pourcentage. On trouve ça en téléphonie mobile, fournisseur d'internet, d'accès internet. Ouais, je pourrais pas te lister toutes les entreprises qu'ils font, c'est vrai que tu en as énormément, ça se développe de plus en plus. On entend parler de plus en plus dans des émissions, dans les... On entend souvent du mal, de gens qui arrivent pas, qui grandissent pas dans cette activité, et ils en disent beaucoup de mal. Disons que c'est vrai que quand tu regardes, moi je suis parti dans le principe à la base de me faire un petit complément de revenu, j'y suis arrivé très bien. Après, c'est vrai que des fois, tu peux tomber aussi dans le côté où tu veux vraiment aller très haut, très vite. Et dans ce cas-là, forcément, tu vas te dire non, j'y arrive pas. Mais là, tu peux avoir des personnes qui vont te dire tu peux gagner 20 000 euros par exemple par mois. Certes, tu peux gagner 20 000 euros par mois. Il y a la théorie et la pratique. Voilà, et des fois, la théorie, elle peut être praticable, mais il faut aussi que toi, tu mettes du tien. Il faut que tu laisses aussi le temps faire. Il faut que tu t'investisses des fois peut-être en termes financiers, en termes de personnel. Moi, je sais que, comme je te dis, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis dans l'activité. Pour le moment, mes revenus, ils sont aux alentours de 1 000 euros. Donc, tu vois, c'est pas énorme. C'est du correct. Maintenant, je veux aller à terme à du 20 000 euros. C'est vers là où je vais cibler. Maintenant, je sais très bien que moi, ça ne sera pas demain, je les aurai, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. Ça sera peut-être dans 10 ans ou 15 ans, et je serai déjà heureux, quoi. Et si dans 2 ans, je suis à 2000 euros, je suis très content. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus... il faut voir une chose, c'est que je me mets un plan d'action en place. Je suis indépendant. Et en fait, d'ailleurs, j'ai eu l'événement il n'y a pas longtemps avec une distributrice que j'avais eue. C'est que elle voulait être indépendante, tout en ayant la sécurité d'un régime salarié. Et en fait, là, ça ne marche pas vraiment, quoi. Parce que moi, ce qu'on recherche, c'est vraiment l'indépendance. C'est pas le domaine salarié. Et donc, quand tu es indépendant, ben, c'est à toi de te gérer, c'est à toi de te donner les coups de pied au cul le matin, c'est à toi de te donner les coups de pied au cul l'après-midi, c'est à toi de te remettre en question lorsque ben, tu as eu un souci, etc. Et c'est très facile d'accéder à ce statut. Ah oui. Alors, les gens, ils voient la facilité d'accéder à ce statut en même temps que la facilité de gagner de l'argent. Alors, faut du travail pour gagner de l'argent, il y en a beaucoup qui n'ont pas cette réalité. C'est impressionnant. Ben ouais, mais là je et peux... C'est impressionnant, hein, ben, c'est impressionnant, ouais, c'est clair, mais... c'est vrai que j'en ai déjà rencontré des... Mais je sais pas si c'est des feignants, si c'est des... Parce que des fois, j'ai un site internet et les gens, ils remplissent le site internet et ils me disent « Oui, je veux gagner de l'argent, je veux gagner à peu près 2-3 000 euros par mois. » Combien de temps tu veux y investir par semaine? 5 heures. Ouais, d'accord. on va revoir les choses là. Tu gagnes combien en ce moment? Tu travailles combien d'heures par semaine? Moi j'étais à 1500 euros par mois en travaillant plus de 35 heures par semaine. Donc, et il fallait s'en contenter. Donc, bon voilà. Je veux dire, il faut être réaliste aussi. C'est pas en mettant 5 heures de boulot par semaine que tu vas arriver à gagner 3000 euros par mois. Au début, des fois, ben, il faut savoir s'investir. Donc tu commences, tu t'investis, tu te lances, il faut trouver des clients. Ouais, forcément. Tu procèdes comment? Bah alors, comment je procède? J'ai plusieurs méthodes. Hein. Qu'est-ce qu'il... Ah. Je change de chaise. Oui, forcément. Donc comment je procède en fait? Moi j'aime bien utiliser plusieurs trucs, c'est le tract en boîte aux lettres, ça j'aime bien. C'est un outil qui permet déjà de marcher. Je marche pas mal du coup. C'est bien, puisque... vous faites vos 20 minutes de sport par jour. Vous faites vos 20 minutes de marche par jour. Ouais, 30 minutes. Waouh. Enfin, c'est les 30 minutes conseillées. C'est bien. Après, je fais beaucoup plus que ça, forcément, du coup. Tu fais, tu vas monter à des fois 3, 4 heures, 5 heures par jour, quoi. Et c'est assez marrant parce qu'en plus, tu te fais ton petit truc tranquille. Des fois, j'y vais avec un autre distributeur qui est dans mon équipe. Et tu travailles vraiment avec les gens que tu apprécies, quoi. Donc celui-là, c'est un modèle que j'aime bien. Puis en plus, c'est vrai que c'est assez marrant parce que... Je sais pas si je dois le dire, mais bon, je vais le dire quand même. C'est en fait, des fois, tu as les résidences qui sont plus ou moins sécurisées par les systèmes et tout ça. Et des fois, il faut plus ou moins escalader un petit peu les portails pour rentrer. Chez moi chez toi, non. Ils m'ont ouvert. J'étais gentil. Ils sont gentils, mes voisins. Ouais. Et après, sinon, j'utilise un autre outil qui est dans l'air du moment, c'est Internet, hein, obligé. Donc, un site Internet. Ouais. Tu donnes l'adresse maintenant? Si tu veux, hein, c'est nutri-coach.fr. Voilà, c'est fait. Donc voilà. Et après, il y en a un autre, mais que je vais changer, donc ça sert à rien de le dire. Voilà. D'accord, t'étais obligé d'en parler en plus. Oui, c'est vrai, mais bon. On fait une petite mise en situation. Ouais, si tu Allez. Veux. Or, moi je suis chez moi avec Charlotte. Ah oui. Ding dong. Oh putain, qui c'est qui vient nous faire chier? Vas-y, lâche les chiens. Oui. Oui, bonjour monsieur, je suis Michel Crété, je voudrais vous présenter des produits de bien-être, je voudrais savoir un petit peu si vous avez 5-10 minutes à m'accorder. Alors, stop, on fait pause. Donc tu fais du porte-à-porte, souvent tu sonnes? Je fais jamais de porte-à-porte. Alors pourquoi tu continues, tu ne nous arrêtes pas? Tout simplement parce que je voulais voir si j'étais assez costaud là-dessus, voir si je pouvais tester cet outil. T'es très naturel, c'est ça qui fait, t'as un côté très, très, très, comment dire? C'est fait pour ça, t'as un côté humain qui D'accord. passe, tu te forces pas, ça se voit tout le et temps. Et donc ça marchait comment là pour le porte-à-porte? Et là non, ça faisait vraiment... Voilà. D'un certain côté, c'est pas plus mal, hein. D'un certain côté, c'est vrai que c'est ça que je recherche moi, puisque de toute façon à la base je suis pas du tout vendeur. Et finalement, là tu viens de me prouver que on est définitivement pas vendeur, quoi. Parce que là en fait je me serais ramassé d'entrée, en gros c'est ça. Ouais. Voilà. Donc tu fais comment? Ah oui, comme je disais tout à l'heure, je fais pas de porte-à-porte, je fais tout par le biais de tract ou par internet. Donc alors, les gens me contactent. Ils viennent eux-mêmes te chercher. Ils viennent eux-mêmes me chercher. C'est donc, forcément, gens... ça se passe bien. Oui, mais c'est là où ça montre que bon, on a une demande dans notre domaine. Domaine, merci beaucoup. Après, c'est à nous de voir vis-à-vis des gens qui viennent nous chercher, voir un petit peu si c'est possible, si nous on peut leur apporter ce qu'ils demandent, quoi. Et s'il y a un autre outil que j'utilise que j'avais oublié de te dire, c'est les réunions. ce qui est l'outil en fait presque phare quoi dans le métier d'un VDI quoi. C'est avec voilà comme je disais, demain j'ai une réunion qui va être organisée. Comme tu peux voir. Oui. Ouais ouais, c'est le en fait quand le VDI c'est par ça qu'il fonctionne la plupart du temps. Mm-hmm. Tu le vois, c'est dans le la dernière fois j'ai téléchargé une petite doc sur le guide du VDI en fait. Et il le montre presque en phare quoi, le fait d'utiliser les réunions. C'est ce que tu vas utiliser le plus quoi. Bon, moi c'est vrai que c'est non, c'est ce que j'utilise le plus, c'est vraiment le tract parce que c'est là où je me défoule le plus, voilà. La première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était un SMS. Oui, c'est vrai. Il y a longtemps. C'est ouais. Alors ça, je l'ai fait. C'était un truc que j'ai essayé, une petite campagne de publicitaire que j'ai essayé au tout début. Donc bah, d'ailleurs, c'était fois, ça devait être en janvier ou février, ouais, quelque chose comme ça. Je t'avais appelé pour te demander comment t'avais eu mon numéro de téléphone. Mais en fait, j'avais vu ton numéro de téléphone. Je vais pas donner l'adresse du site, mais c'est sur un site sur lequel t'étais enregistré. Il y avait c'est un annuaire de téléphone portable. Ah, de téléphone portable. Mmh. Ah ouais. Et t'étais enregistré dessus. Ah ouais, ouais. Et donc j'avais récupéré, je m'étais embêté là-dessus. Hein. J'avais récupéré tous les numéros portables dessus. Je les avais importés sur un truc Excel, etc. que j'avais après filtré pour pouvoir avoir juste ceux de Toulouse. J'avais passé 3 heures de boulot là-dessus, ça m'avait coûté assez cher parce que, bon, une campagne d'envoi de SMS, ça coûte un petit peu de pognon. Ah, oui. Donc en fait, vu que j'ai eu que toi en retour. Mais je t'ai jamais rien acheté. Voilà. Donc du coup. C'est marrant, après t'étais tombé sur quelqu'un de la famille qui m'a dit appelez Landry. Il m'a appelé, j'ai dit non, pas encore lui. Je t'avais appelé juste pour l'anecdote ouais, parce que j'avais percuté que c'était toi. Ouais, c'était qui d'ailleurs de ta famille? On va peut-être pas le dire à radio. Non, pas le nom, mais. c'est vrai que c'était assez marrant. Ouais. C'est croisé plein de fois comme ça. Ouais, une fois, je vois prospectus, je vois Michel Crété. Je dis, c'est pas vrai, encore lui. Eh, comme quoi, ça veut dire que mon info circule bien, moi. Ouais. Ah oui, ça. Ouais. Donc on en conclut par petite réunion et tu vas chez les gens, ils t'appellent, tu vas chez eux. Ouais, alors en fait, quand ils m'appellent, ils me disent un petit peu ce qu'ils veulent faire. Alors je vais chez eux dans le cadre, s'ils habitent pas à 300 bornes de chez moi forcément, ouais, parce que je vends dans toute la France. Et donc quand ils sont allés à 50 km de chez moi, je me déplace. Donc je vais aller chez eux, je vais leur faire mon métier, hein, je vais faire mon métier. Mmh. Et ensuite, je vais les contacter tout le temps pendant les durées de leur programme, etc. Quoi. C'est ça. Quoi, Pour les soins esthétiques, c'est perpétuel en fait. Une fois que tu as accroché ton client, il revient te voir, il te fait les commandes régulièrement. Ouais. Dès qu'il a fini ses produits. Ouais, dans les trois quarts. Dans les trois quarts, je vais avoir les personnes qui vont rester avec moi. Le cas restant, il y en a peut-être qui vont découvrir d'autres produits aussi, etc. Donc, mais en règle générale, oui, ils vont tout le temps continuer un petit peu à te redemander des produits. Et en fait, ils vont continuer à t'en demander pourquoi ? Parce qu'ils vont être satisfaits du service que tu leur auras rendu. Parce que quand tu vends un produit pour vendre un produit, en règle générale, ça marche pas. Ce que j'ai fait au début hein, de temps en temps, et c'est vrai que ça marchait pas. Parce que je cherchais surtout à avoir un peu d'argent et tout. Et... Ouais. Et ce qui se passe, c'est que tu vends des produits de qualité. C'est et il bon. y a un échange. Non, mais c'est vrai. Oui. Ce sont de bons produits. Je dis pas ça parce que t'es là, ce sont de bons produits. Oui, c'est vrai que j'avais oublié que... Non, t'as essayé un gommage, c'est ça? Ah oui, je fais des gommages régulièrement. Ah bah non, oui. Pas depuis un petit moment. Bah écoute, je te ferai essayer mes produits. Bah. C'était pour dire quoi? Oui. Et puis il y a un échange avec ton vendeur, ce qui est très agréable. C'est pas aller dans le supermarché. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle un coach. Et oui, c'est vrai que le métier de coach, ça aussi, c'est quelque chose qui est en pleine expansion. Mais si tu vends un produit puis que tu le vends pour le vendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi, ça va. Ton client, tu vas l'avoir une fois et tu vas l'avoir le deuxième mois, puis c'est tout. Et au pire, au bout de, quand son programme sera fini, ça sera vraiment fini. Il va pas te rapporter de nouvelles références, etc. Si tu apportes un réel contact avec la personne tout en étant naturel, quoi, tout en parlant naturellement, tout en. Des fois, tu as des personnes qui t'appellent, qui te déballent des trucs. Tu fais presque le psy quoi, derrière. Mmh. Mais d'un certain côté, c'est ça qui est plaisant. C'est que ben, tu as un certain côté où tu as un dialogue. Tu as... Et c'est pour ça que c'est bien mieux de... Enfin, moi, j'adore ce métier, que j'ai quitté l'ancien métier. Quoi. Se parler avec des machines avant, j'ai essayé, ça marchait pas. Et c'est tellement bon, un petit peu de crème. Ah oui. Au oui, chocolat. Un petit peu de crème. Mathieu Bogart. Bogart, je sais pas comment on dit. En fait. Bogart. Bogart. Moi, je dirais comme ça. Ah, d'accord. Tu me retour studio. Oh là là, mais quel enchaînement. Désolé pour les fois. Non, ça par contre, t'as pas voulu le dire quoi que t'avais fait l'activité. J'ai pas fait l'activité, j'étais curieux. Il m'a rendu, il faut écouter. On est en pleine discussion. Or, ce qui va durer, c'est de retrouver notre fil conducteur de tout à l'heure. On parlait de crème. On parlait de crème, oui c'était... forcément. C'est pour introduire la du Mathieu Bogart. Non, non, c'était pour terminer sur ce que je disais, que c'était très bien de mettre des crèmes et qu'il faudrait que tu en mettes peut-être un petit peu plus maintenant. Là. Mais j'en mets souvent, mais c'est pas du... On dit pas le nom. Non, on peut dire peut-être le nom. Pas, non, peut-être pas citer les marques, non, ça sert à rien. D'accord. Bah, tu peux pas citer une marque comme ça, je peux te dire moi qu'est-ce que je fais comme travail, etc. Je peux te dire ce que je... dans quel domaine je travaille. Maintenant, je ne veux pas citer les marques d'un fournisseur de produits. Bref, si on est intéressé, on est curieux, on aimerait voir tes produits. Et tu viens me voir, moi. On peut te contacter. Oui. Donc, on te contacte comment? Ben, sur le téléphone. Le téléphone. Du téléphone. Tu peux le donner, si tu veux. Tu as le 05 61 49 79. Oui. On peut retrouver sur le site internet d'Indiesis. www.indiesis.com, I-N-D-I-E-S-I-S. Et venez le plus souvent possible sur le site internet pour qu'on se rende compte de notre audience. N'hésitez pas à y passer en fait. Merci. Et j'y passerai souvent. Charlotte, t'avais des. Ah oui! Alors tu parlais tout à l'heure. Quand on parlait de la distribution de tracts dans les boîtes aux lettres. Oui. Tu te souviens de ce que tu voulais dire? De très drôle. Merci. Oui, oui. Alors là, non, je crois qu'en fait j'étais dans mon petit délire tout à l'heure, quoi. Mais en fait, t'en avais conclu. Non, ce que je disais que je trouvais marrant, en fait, c'est que des fois, tu, oui, non, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais c'était le fait des fois tu rentrais dans une résidence comme ça ou qui était sécurisée, alors des fois... Oui, si, ça y est, voilà. Voilà, c'était ça je voulais dire en fait. Mais en fait c'est parce que j'avais deux idées en tête et c'est ça qui m'a fait rire tout à l'heure, ça y est, elles sont revenues. Donc la première idée c'est celle que je t'ai dit tout à l'heure. Oui. Enfin, je disais donc on rentrait dans la résidence sécurisée, c'était assez marrant. Oui, oui. Et, mais bon, des fois c'est un peu lourd quand même, hein, parce que des fois des résidences tu peux pas rentrer du tout. Bon bref, et sinon il y avait autre chose qui était assez marrant, c'est que en fait tu te rends compte à quel point tu as les gens sont sympas. Oui. Non, c'est... Et c'est vrai que des fois, bon tu vois, t'as les boîtes aux lettres, t'as écrit pas de pub, non merci, etc. etc. Et par contre, des fois tu rentres dans certaines résidences, tu as des régisseurs. Mmh. Bon, t'as le régisseur, donc t'as une chance sur deux. Tu vas te dire, soit je rentre, il va voir que j'ai distribué le tract en boîte aux lettres et il va me dire va-t'en. Soit au contraire, il va te dire bah écoute, oui, vas-y, fais ton boulot, etc. Et franchement, dans les 90% des cas, à chaque fois, il te dit ouais, mais fais ton boulot, je vais pas t'empêcher de te faire ton boulot, avec le grand sourire et tout. Et franchement, ça, c'est super sympa. Des fois, tu croises des gens quand tu distribues les tracts dans les villas. T'as les gens, ils sont en train de tondre leur pelouse tranquillement, comme ça, ils sont... donc tu passes à côté d'eux. Mmh. Ben, tu lui demandes si ça le dérange pas de mettre le tract en boîte, tu fais non, allez-y, y a pas de souci. Tu vas, la dernière fois, encore une autre fois, bon, moi j'adore la moto, et donc je suis un passionné de moto, il faut que j'en rachète une d'ailleurs. Et en fait, il y avait un gars qui réparait sa moto, mais en fait, je suis resté 20-25 minutes avec lui pour l'aider à réparer sa moto. Parce que, bah ouais, mais c'était. C'est ça aussi le côté cool de ce boulot. Ouais, ouais. C'est que, bon, bah, je veux dire, si t'as 25 minutes à mettre quelque part, tu les mets. Si t'en as envie, tu les mets. Et ça, c'est ça, la vraie indépendance, le bon côté, quoi. Maintenant, c'est vrai que des fois, bah, il va falloir que tu bosses, quoi. Hein. C'est les 25 minutes que tu vas pas avoir mis Le matin, il va falloir peut-être que tu mettes l'après-midi. Mais je veux dire, c'est toi qui te fais tes horaires. C'est assez marrant. Donc, on va conclure avec le fait qu'il y a, beaucoup plus de gens bien, sympa. Ouais, franchement, ouais. Que le reste. Surtout l'été. Et tout à l'heure, t'as dit une phrase mémorable. Voilà, je l'attendais bien. Les gens sont de meilleure humeur. Quand il fait soleil. Quand il fait soleil. Ouais, d'accord. La prochaine fois, tu l'écris plus gros, à la rigueur. Ou tu mets tes lunettes, je ne sais pas. Oh là là là là. On conclut comme ça ? Bah écoute, ouais. Merci d'être venu. Bah avec plaisir. Hein. On met les infos sur site internet. On retrouve cette émission sur site internet, l'enregistrement, dans quelques jours. Après le week-end, la semaine prochaine. Voilà. Alors, vendredi prochain. Oui, on va écouter un disque. Bien sûr, Tristan, prépare. Vendredi prochain ou maintenant ? On a récupéré. Non, maintenant on va écouter un disque. Parce qu'on a une platine. C'est nouveau, grâce à Daniel. Donc j'ai chopé un disque. Je suis tombé sur Ange tout à l'heure. Alors ça m'a fait penser à quand j'étais jeune. C'est quoi Ange? C'est un groupe. Ah. T'es pas né en 1960, tu peux pas comprendre. T'en as plus. Bien vu.